Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous proposons cette semaine de redécouvrir la série d'émissions sur l'attente. Initialement diffusée en décembre 2018, aujourd'hui, Edouard Hopper, peindre le temps qui s'étire. Bienvenue à tous dans l'Amérique des années 40, l'Amérique qui découvrit quelques années auparavant le peintre de l'attente, celui qui peint le temps qui s'étire dans les lieux de transit, l'envers de l'Amérique consumériste, le résistant aux pinceaux de couleur, Edouard Hopper. In my solitude, you haunt me with reveries of days gone by. In my solitude, bonjour Didier Ottinger. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes spécialiste de la peinture moderne et contemporaine, directeur adjoint du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou à Paris. Vous avez été le commissaire de l'exposition Hopper au Grand Palais à Paris en 2012 et vous êtes l'auteur d'un livre sur Hopper, Aubre et lumière du mythe américain. Comment parler de peinture à la radio? Et bien peut-être que la meilleure façon de commencer, c'est avec l'ambiance du pays dans lequel le peintre a peint à cette époque. Savoir ici Billie Holiday et Solitude, on est en plein dans l'atmosphère d'Edouard Hopper, non? On est en plein dans Hopper, effectivement. La solitude peut être plus que la passivité, peut être plus que la résignation ou l'aliénation. Il faut dire que pendant longtemps, Hopper a été assimilé à une peinture de l'aliénation. Un des propos de l'exposition justement du Grand Palais était d'inverser un peu cette perspective pour peut-être faire de Hopper davantage le peintre d'une passivité militante, voire d'une résistance passive, on y reviendra, plutôt que le peintre tel qu'on l'a interprété, et l'interprète souvent encore, de la mélancolie ou précisément de cette aliénation. Il peint des personnages qui ne sont peut-être pas des victimes, précisément, de la civilisation dans laquelle ils évoluent, mais davantage, je crois, de véritables résistants. C'est-à-dire qu'il a un rapport à la peinture qui dit quelque chose. Il y a plusieurs façons de regarder ces tableaux, comme souvent, mais si on commence avec l'ambiance des États-Unis, c'est précisément parce qu'il s'oppose à un certain état d'esprit des Américains à ce moment-là, l'état d'esprit, disons, capitaliste, consumériste, contre lequel il souhaite résister. Alors, de ce point de vue-là, il est l'héritier d'une grande tradition philosophique, qui est celle, effectivement, dont il se réclame, Emerson, Thoreau, Walt Whitman, c'est-à-dire des penseurs qui eux-mêmes ont exprimé une forme de défiance assez radicale à l'endroit de l'évolution de la civilisation américaine. Certains ont été contemporains de cette évolution absolument spectaculaire qui a fait qu'en quelques décennies, les États-Unis, qui étaient encore un environnement rural et agraire, se sont métamorphosés en la première puissance industrielle mondiale. Et cette évolution-là a provoqué évidemment des formes de résistance sur le mode précisément du silence, d'une sorte de passivité revendiquée. Et je crois qu'Hopper s'inscrit tout à fait dans cette filiation. Comment vous le classez parmi les peintres américains? On est du côté du réalisme, mais lui-même ne revendiquait pas cette appellation. On a l'opposé de Pollock, qui est l'autre grand peintre américain, cette fois-ci. Oui, c'est vrai que longtemps, l'historiographie américaine a opposé les deux figures, comme si elles étaient antagonistes. Je pense qu'il y a davantage de points communs que de différences entre les deux. Mais la position de Hopper, elle est très singulière parce qu'il est à la fois le contemporain de l'émergence d'une conscience artistique américaine, encore une fois, celle que Emerson appelait de ses voeux, dans le domaine littéraire. Lui porte cet héritage-là, encore une fois, à travers l'enseignement de son professeur à l'école de New York, qui était Robert Henry, qui est un des premiers à avoir fédéré des artistes américains, à avoir organisé une exposition, fameuse exposition, qui a produit ce qu'on a appelé un peu plus tard l'école de la poubelle, l'Ashcan School. Ces artistes qui, les premiers historiquement aux États-Unis dès 1908, ont décidé d'exprimer ce que la peinture pouvait avoir de spécifiquement américain. Hopper est l'héritier de cette tradition-là, mais il est aussi l'héritier de l'émergence aux États-Unis, sous ses yeux même, d'une autre histoire qui est celle du formalisme américain, qui va s'incarner dans un musée évidemment éminemment célèbre et important, qui est le MoMA de New York, créé en 1929. Et il est entre les deux, finalement. Ce qui fait qu'en 1933, il sera accueilli pour sa première rétrospective au musée d'art moderne de New York, alors que se développe parallèlement à cet art moderne américain, ce qu'on va appeler le régionalisme. Et il sera, lui, revendiqué tantôt par des régionalistes et tantôt par des formalistes ou des modernistes. Il s'en étonnera, et bien des années plus tard, il se flattera avec beaucoup d'ironie d'être à la fois celui qui est défendu par le Whitney, musée aussi créé en 1929, mais qui, lui, a comme spécificité de montrer l'art américain, et par le MoMA, qui continue à acquérir ses œuvres et à considérer que Hopper est un artiste digne de figurer sur les cimes du MoMA. Donc voilà la particularité qui en fait un personnage tout à fait unique. Et c'est à l'occasion de cette exposition en 1933, la rétrospective au MoMA, que Edward Hopper devient connu véritablement du grand public. Il avait déjà fait des aquarelles avant, quelques peintures, mais il n'avait pas la renommée qu'il a à ce moment-là. C'est vrai qu'une consécration dans ce qui est mais vraiment le centre de la création plastique américaine, ce MoMA, qui devient évidemment immédiatement extrêmement célèbre, consacre Edward Hopper dès 1933. Alors vous l'avez comparé, enfin vous avez montré, insisté sur l'influence que certains philosophes américains ont pu avoir sur son travail, et vous avez cité Emerson. Emerson est le premier aux États-Unis, a appelé de ses voeux auprès des intellectuels à une indépendance intellectuelle des Américains. Et pour ce faire, il en appelle aussi à regarder ce qu'il appelle l'ordinaire, non pas le grandiose, le sublime qui ont cours en Europe à ce moment-là, mais vraiment ce qu'il y a à nos pieds, dit-il. Eh bien, on pourrait qualifier Edward Hopper de peintre de l'ordinaire également, tant les scènes qu'il dépeint sur ses toiles n'ont rien qui saute aux yeux en particulier. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a même pas d'histoires qui sont racontées. Ce sont des choses très fixes. J'ai sous les yeux, par exemple, un tableau, la station-service, où on voit vraiment une station-service de l'époque, trois pompes à essence rouge, un pompiste derrière, une route, et c'est tout, en fait, rien ne se passe. Rien ne se passe, mais beaucoup se dit. C'est vrai que Emerson est fondamental pour comprendre l'œuvre de Hopper, et d'ailleurs il le dira, et à plusieurs reprises, et tout au fil de son existence, il lit et relit Emerson. C'est vraiment celui qui est sur son chevet, l'auteur qu'il lit quotidiennement. L'œuvre que vous mentionnez, Gas, c'est très intéressant, c'est que ce n'est pas Gas Station, ce n'est pas un tableau qui présente une station-service, même si c'est ça qu'on a sous les yeux. Le sujet, c'est gaz, c'est donc le pétrole. Et moi, ce qui m'a frappé, au point peut-être d'en faire une interprétation peut-être un peu délirante, c'est de voir que ce qui intéresse Hopper dans ce tableau-là, c'est le symbole même qui est associé à cette marque de pétrole qui était mobile, dont le logo, vous l'avez sous les yeux, est celui de Pégase. Or, c'est quand même extraordinaire, compte tenu des valeurs qui sont celles de Hopper. On sait qu'il s'exprime, non seulement dans ses tableaux, mais par des interviews, par des petits textes qu'il rédige ça et là. On peut imaginer que ce Pégase l'a fortement frappé, au point qu'il a voulu peut-être, encore une fois, avec beaucoup d'ironie, dissimulée sous la simplicité et la banalité, montrer que ce Pégase, qui était le cheval qui, vous le savez, dont le coup de sabot a donné naissance à une fontaine à laquelle venaient s'abreuver les muses, est devenu, dans la civilisation américaine, le symbole du pétrole. C'est-à-dire que son coup de sabot ne donne plus du tout l'inspiration aux poètes, mais va alimenter les voitures qui deviennent l'objet d'un nouveau culte aux États-Unis. Donc vous proposez une lecture des tableaux de Edward Hopper qui n'est pas dans la lecture du peintre de l'ordinaire que j'esquissais à l'instant, mais au contraire comme un peintre qui, au sein de ses tableaux, incruste des symboles, des manières, des façons d'interpréter ce qu'il montre de manière beaucoup plus intellectuelle. C'est le propre de tous les grands peintres, et en particulier des peintres figuratifs. Hopper s'est nourri de ses visites des musées du monde. On sait que quand il est en Europe, il est quasi quotidiennement au Louvre. Il fait des voyages en Espagne. Il va évidemment voir Rembrandt à Amsterdam. Et tous ces tableaux-là reviennent d'une façon cryptée dans les images qu'il produit. Un des tableaux, par exemple, qui a eu le plus d'impact sur sa mémoire, c'est le philosophe en méditation du Louvre. on le retrouve dans certains tableaux de Hopper, très décalés, comme selon un principe qui pourrait être celui décrit par Courbet lorsqu'il parle d'allégorie réelle. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez Hopper. Garder la dimension métaphysique, mais l'appliquer à des images qui sont d'apparence simple, voire insignifiante. Les fameuses figures féminines qui sont associées à l'image de Hopper, j'avais osé les rapprocher du mythe de Danaé. La lumière qu'elles viennent rechercher est évidemment comparable à cette pluie d'or qui tombe sur Danaé dans les tableaux de la Renaissance, par exemple. Alors, à quel tableau pensez-vous ? Parce qu'il y a beaucoup de tableaux d'Hopper où on voit des femmes qui sont sous une certaine lumière. Toutes ces femmes qui sont assises sur un lit, par Morning Sun, par exemple. Ont forcément en tête cette femme que l'on voit de profil sur un lit qui regarde par la fenêtre et la lumière rentre par cette fenêtre. Voilà. D'où, enfin, tout cela a été suggéré par une lecture qui a été évidemment très, très éclairante, faite par le poète Yves Bonnefoy, qui, dans la première exposition Hopper qui avait été organisée en France à Marseille, écrivait dans le catalogue que les tableaux de Hopper sont des annonciations sans théologie ni promesse. Et effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors si je vous suis bien, Didier Ottinger, votre Edward Hopper, la manière que vous avez d'en parler et de le recevoir, ne nous donne pas raison. C'est-à-dire que pour vous, en fait, il n'est pas question d'attente dans ces tableaux. Non, il est question vraiment de passivité. Vous avez évoqué... Quelle différence ? Vous avez évoqué sa place et sa réflexion sur la civilisation dans laquelle il évoluait. Il est évidemment très sceptique, et même au-delà, face à cette évolution du consumérisme. Il y a des tableaux qui sont des portraits charges, encore une fois, extrêmement cryptés, mais des portraits charges contre le consumérisme américain. Je pense à Drugstore en particulier, qui est une boutique de... laxatif, c'est ce que l'on voit sous les yeux. Or, il se trouve que cette idée du laxatif associé à la consommation américaine avait déjà été exprimée par quelqu'un que Hopper connaissait très bien, qui est Sherwood Anderson, un auteur important pour la génération de Hopper, il l'est aussi pour Georgia O'Keeffe et pour tous ces artistes des années 30, un des premiers à avoir, dans certains de ses romans, exalter la vie quotidienne des petites villes américaines. Or, il se trouve que Sherwood Anderson était, avant d'être un écrivain, un publicitaire. Et que quand il devient un écrivain, il règle ses comptes avec ce passé qui était le sien, l'agent du consumérisme, en mettant en scène un personnage qui vendait précisément des laxatifs. Comme si tous les objets, la multiplication des objets du consumérisme américain pouvaient se réduire à cette fonction. Donc Hopper, oui, est un résistant. Et c'est vrai qu'il résiste à peu près à toutes les valeurs de l'Amérique. L'Amérique, évidemment, a été caractérisée par un certain nombre de penseurs comme le lieu qui s'opposait à l'intériorité. Ça a été écrit par Henry James. Lorsque Giorgio de Chirico découvre les États-Unis, il représente et écrit que les États-Unis, c'est au fond une machine de guerre contre l'intériorité, que tout est accessible, tout est visible. Et c'est un peu cela que Hopper met en scène dans ses tableaux. Mais c'est pour cela que je suis étonné de vous entendre parler de passivité. Parce que lorsqu'on résiste, on est loin d'être passif. Alors, l'attente à quelque chose de tendu vers, étymologiquement, la passivité implique une forme d'inertie. Alors, pour ce n'est pas ce qu'on voit dans cet tableau. Oui, alors, justement, la solitude, le silence, la méditation sont, je pense, du point de vue de Hopper, une forme de réaction à ces valeurs américaines qui sont celles de l'énergie, de la vitesse, de l'action, etc. Et je crois que le premier tableau qui rend compte de cette résistance, c'est un tableau qui s'intitule Sunday, qui est de 1926, et qui montre un personnage qui est assis sur le bord d'un trottoir, et on voit que c'est un travailleur. Longtemps, à l'aune précisément de cette lecture très, sentimentalo-dépressif de l'œuvre de Hopper, on l'a compris, ce personnage, comme une allégorie de la crise qui s'annonçait. On est en 1926, on pense évidemment à 29 et on se dit, voilà un chômeur qui est là devant sa boutique. Or, si l'on le regarde de très près, on voit qu'il a un air renfrogné, on voit qu'il fume un cigare et il a vraiment l'air de quelqu'un qui dit... J'ai quitté mon poste de travail, je suis dans les rayons du soleil, je savoure un bon cigare et voilà, c'est ma façon à moi de mettre un terme, d'interrompre cette espèce de frénésie dans laquelle effectivement la civilisation américaine entraîne tous ces... Ce qui est sûr, c'est qu'attente ou passivité, ce qu'il peint, ce sont des moments de suspension. quelque chose s'est brisé peut-être dans le flux permanent de la communication et des images de l'époque, mais ce sont des moments où nous sommes sur le point d'assister à quelque chose et c'est toujours l'instant d'avant. Que ce soit cette femme sur son lit, que ce soit ce tableau, peut-être connu aussi des auditeurs, qui s'appelle Night Hooks, où on voit un café, un bar, comme ça, avec une vitre presque arrondie et des personnes accoudées au comptoir qui font, on ne sait pas trop quoi, qui peut-être attendent. Je vous vois hausser les sourcils, agiter les mains pour exprimer votre désaccord. Allez-y, Didier Ottinger. Oui, cette lecture-là, c'est celle qui justifie, et de mon point de vue sans doute un peu à tort, les liens de Hopper avec le cinéma. Et Dieu sait s'il y a une littérature abondante quant aux relations possible de la peinture de Hopper avec le cinéma. Et certains grands réalisateurs de films, comme Wim Wenders, n'ont pas manqué de dire qu'ils avaient puisé abondamment dans l'œuvre de Hopper. Mais c'est une lecture qui suppose effectivement une narrativité dans les tableaux de Hopper. Il y a comme un instant figé avec une rencontre qui a eu lieu avant, et puis peut-être un événement qui va survenir après. Moi, je ne crois pas du tout. Précisément, c'est la suspension absolue de l'action qui est l'objet même de la peinture de Hopper. Oui, mais le spectateur qui regarde le tableau a immédiatement en tête des images, des narrations qui lui arrivent à l'esprit. Immédiatement, on parlait de Morning Sun, cette femme sur un lit qui regarde mélancoliquement par la fenêtre. Il est impossible de la regarder sans s'imaginer ce qu'elle est en train de faire, ce qui a eu lieu avant, ce qui aura lieu après. La narration n'est pas dans le tableau, mais elle est dans le spectateur. Elle est dans la tête des spectateurs, mais c'est étrange qu'à propos d'une peinture figurative, il y ait nécessairement cette volonté de l'interpréter en termes de narration, alors que devant un tableau abstrait, vous ne vous posez pas la question. Ah, je ne sais pas. Ah bon ? Les tableaux de Pollock peuvent raconter des histoires aussi. Peut-être que c'est moi qui me raconte des histoires. On va laisser la parole à Edouard Hopper, lui-même, qui justement nous explique comment fonctionne son processus de création, comment lui viennent les images, et si oui ou non, c'est une émotion qu'il essaye d'exprimer dans ses toiles. C'était en 1961. Vous avez dit que vos images venaient très lentement. C'est vrai. C'est un long procédé de gestation dans l'esprit et d'émotions naissantes. Je fais quelques croquis variés, des croquis des choses que je souhaite faire et aussi des croquis de détails dans l'image. Et c'est comme ça que ça vient, finalement. Et quant au contenu de vos images, certains y ont vu une dimension psychologique, la solitude, l'isolement, l'homme moderne dans l'environnement qu'il a lui-même créé. Comment est-ce que vous voyez ça ? Vous pensez que c'est pertinent ? Eh bien, je pense que ce sont des préoccupations de critiques. C'est peut-être vrai, ou pas. C'est comment le spectateur regarde les images, ce qu'il y voit. Est-ce que ça pourrait être ça? Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. C'est le quatrième temps de notre série d'émissions sur l'attente avec aujourd'hui le peintre Edouard Hopper, à qui Emmanuel Pernoud a consacré un ouvrage de l'édition Citadelle et Masneau, qui avait comme sous-titre Hopper, peindre l'attente. Mais mon invité aujourd'hui, Didier Ottinger, ne considère pas ce peintre comme un peintre de l'attente. L'émission n'est pas terminée, la discussion non plus, Didier Ottinger. Et j'ai encore beaucoup d'arguments à vous avancer. Mais d'abord, on vient d'entendre Edouard Hopper. C'est intéressant, comme beaucoup d'artistes, il refuse de théoriser son geste. Il dit en fait, votre interprétation, ça vous appartient. Moi, quand je peins, oui, peut-être qu'il y a une émotion que je mets, mais je serais bien en mal de la nommer. Et quand on connaît le processus créatif même de Edouard Hopper, je pense qu'on mesure à quel point il n'y a pas cette narrativité que l'on prête quasi automatiquement à ses œuvres. Vous l'avez vu, quand on regarde le corpus de l'œuvre de Hopper, on constate qu'il n'a peint que 100 tableaux de 1926 à sa mort en 66. 100 tableaux. Que certaines années, il n'en peignait qu'un seul. Parfois même, des années étaient blanches. Ce qui laisse supposer, et on le sait, à travers le témoignage de son épouse en particulier, qui était sa voisine d'atelier, qui était artiste elle aussi. Qui l'attendait beaucoup avant de peindre. Voilà, et qui le regardait agir, et qui rend compte de ce travail qui est un travail de décantation absolue. Il y a une sorte d'intuition première chez Hopper, puis des mois et des mois de recherche dans son environnement quotidien, de l'image, du contexte qui pourrait lui permettre d'exprimer le sentiment qu'il cherche à exprimer. Et tout ça cristallise dans une sorte de pépite absolument pure qui est ce moment-là qu'il peint. Et qui n'est pas un moment lié, je crois, ni à un avant ni à un après, qui est là, précisément. Vous parlez de sentiment. Vous pensez qu'il essaye de mettre sur la toile, à travers d'autres personnages, un sentiment qui lui est propre ? Oui, un sentiment. Sentiment, encore une fois, qui est celui qu'il essaie de défendre bien que mal, aussi difficilement que possible dans le contexte américain, le sentiment de l'isolement, le sentiment de la nécessaire réflexion, le sentiment d'une inaction qui, au sens antique, était absolument la condition nécessaire pour produire une pensée autonome, riche, etc. Je crois que c'est ce suspens-là qu'il cherche et qu'il exprime. On arrête l'image. Et la pensée commence à ce moment-là. En tout cas, Edward Hopper, vous avez bien présenté ses influences philosophiques et intellectuelles, a été tombé un jour sur un texte de Paul Valéry parlant d'un poème de Mallarmé, Le coup de dé. Et le texte de Paul Valéry a beaucoup compté pour Edward Hopper. Je vous propose qu'on l'écoute et qu'on l'écoute en s'imaginant que ce texte est en train de décrire le travail de Hopper lui-même, car il me semble, bien qu'entre Mallarmé et Hopper il y ait peu de points communs, que ce texte semble parler des deux à la fois. Il me semble avoir la figure d'une pensée pour la première fois placée dans notre espace. Ici, véritablement, l'étendue parlait, songeait, enfantait des formes temporelles. L'attente, le doute, la concentration étaient choses visibles. Ma vue avait affaire à des silences qui auraient pris corps. Je contemplais à mon aise d'inappréciables instants. La fraction d'une seconde pendant laquelle s'étonne, brille, s'anéantit une idée, l'atome de temps, germe de siècles psychologiques et de conséquences infinies, paraissait enfin comme des êtres, tout environnés de leur néant sensible. C'était murmure, insinuation, tonnerre pour les yeux, toute une tempête spirituelle menée de page en page jusqu'à l'extrême de la pensée, jusqu'à un point d'ineffable rupture. Là, le prodige se produisait. Là, sur le papier même, je ne sais quelle scintillation de derniers astres tremblait infiniment pure dans le même vide interconscient où, comme une matière de nouvelle espèce, distribuée en amas, entraînée en système, coexistait la parole. De Paul Valéry, lu par Hélène Losseur, exprime une ambition que partagent beaucoup d'artistes dès la première phrase. Il me semble avoir la figure d'une pensée pour la première fois placée dans notre espace. Didier Ottinger. Oui, et un peu plus loin, je pense que à peu près tout est dit sur le sens de l'œuvre de Hopper, même si ce n'était pas l'intention évidemment de Valéry. Blanc, hein. Mais le fait qu'il ait récupéré ce texte ou qu'il l'ait lu et relu justifie quand même le rapprochement. C'est cette idée d'atome de temps, de germes, de siècles psychologiques et de conséquences infinies. Mais l'idée d'atome de temps, ça, je crois que c'est le dernier mot à propos de la peinture de Hopper. Vraiment, encore une fois, cette idée de réduction à l'essence qui est, au fond, celle de la pensée, mais de la pensée qui a besoin précisément de ce contexte de silence, de ce contexte de solitude. Les conditions même d'une pensée, voilà ce que peindrait Hopper au fond. Mais voilà peut-être ce qu'on peut entendre par narration. Vous dites que les tableaux eux-mêmes n'ont pas de narration. Mais si la pensée, si c'est la pensée qui doit s'installer dans l'espace, qu'est-ce que la pensée si sinon un mode narratif de dire ce qui est en train d'arriver. Pas forcément narratif, parce qu'il y a une dimension là aussi sur laquelle un certain nombre d'observateurs, y compris Alfred Barr, le directeur du MoMA, ont insisté. C'est le caractère extrêmement géométrique, mathématique de l'œuvre de Hopper. Certains l'ont même rapproché de l'œuvre de Mondrian. Ce qui est possible. Et ça serait ça, au fait, la narration. Ça serait cette cristallisation de l'espace même, la construction mathématique hyper précise. Et on voit bien, quand on peint un tableau en une année, on imagine qu'au millimètre près, la ligne est là où il faut. Et tout ça constitue un petit univers cristallin, presque parfait du point de vue de son ordonnance, qui est, au fond, la seule narration dans les tableaux de Hopper. C'est l'adéquation entre ce monde quasi parfait, même s'il est impur par bien des aspects, mais par sa construction, et cette figure qui vient à l'intérieur faire naître une étincelle de pensée. L'étincelle de pensée qui peut arriver au moment où on regarde le tableau, ou bien en y repensant plus tard, car il a ce talent particulier qui consiste à peindre une scène qui parfois ne retient pas spécialement notre attention et peut nous accompagner pendant longtemps. Je pense à ce tableau qui s'appelle Automate. Oui. Vous savez, on a cette femme avec un chapeau qui boit un café, les yeux baissés, on ne voit pas vraiment son visage. Elle est peut-être dans un diner américain, on l'imagine volontiers au bord de l'autoroute ou dans un endroit isolé, avec une grande vitre derrière, un radiateur à ses côtés. Évidemment, il ne se passe rien. On imagine, mais là encore c'est l'imagination, la fumée qui sort de la tasse de café, et on regarde cette femme sans savoir ce que l'on regarde. Et pourtant, quelque chose se passe, est-ce que c'est cette étincelle de pensée dont vous parlez, qui fait qu'on y revient sans cesse à cette image? Alors ce tableau-là a encore une fois un titre extrêmement éloquent quant à son sens, c'est Automate. Or, Automate, c'est le nom qui était donné au début des années 20 à une invention qui s'est répandue sur l'ensemble du territoire américain, mais comme une traînée de poudre, c'était les distributeurs automatiques de boissons dans les restaurants. C'est ça qu'on appelait les automates. Et le génie de Hopper, c'est d'intituler automate, comme il appelait Gas le tableau précédent, d'intituler automate, non pas la représentation de cette machine, tout le monde y pensait à l'époque, mais l'effet qu'elle peut avoir sur les individus mêmes. Comment elle peut transformer les individus au nom de la déshumanisation en marche, au nom de cette technique qui triomphe aux États-Unis, qui en fait une véritable religion dans ces années-là en tout cas. Et voilà ce que ça produit. Des êtres solitaires, des êtres perdus dans des pensées ou pas, mais en tout cas réduits à des fonctions qui sont des fonctions un peu tristes. Comment expliquez-vous le choix des couleurs de Hopper, de ces couleurs qui sont, alors pas forcément vives, mais souvent chaudes et profondes? Dans le tableau qu'on commentait tout à l'heure de la station de à essence, on se souvient peut-être de la couleur de l'herbe jaune, ces stations, elles-mêmes ces pompes à essence qui sont rouges. Là encore, dans ce tableau automate, il y a des couleurs qui sont très vives, alors que si justement il peint cette déshumanisation, puisqu'il est dans une veine plutôt réaliste, on imaginerait volontiers des couleurs beaucoup plus ternes et grises. Oui, alors sur le chromatisme de Hopper, ce qui m'avait frappé au moment de l'exposition du Grand Palais, c'était de travailler avec l'éclairagiste de l'exposition à la mise en place d'une lumière qui était résolument froide. Et ça aussi, ça a été dit par un certain nombre de commentateurs, par un certain nombre de peintres visitant les États-Unis, y compris Matisse d'ailleurs, qui se sont étonnés du caractère extrêmement objectif, froid, de cette lumière qui, certains l'ont interprétée, comme étant une lumière qui isole. Et évidemment, toute la théologie de la lumière à laquelle peut se référer Hopper de façon consciente ou inconsciente exprime aussi une nostalgie, celle qu'il a connue lorsqu'il était en Europe, en particulier à Paris, où il a eu accès, et il en parle dans les lettres qu'il adresse à sa mère depuis Paris, il a eu accès à cette lumière qui est une lumière qui rassemble, qui unit les êtres, là où cette lumière américaine est une lumière absolument crue, qui isole. Et certains photographes, d'ailleurs contemporains, ont travaillé sur cette idée-là. Et on voit, on a tous fait cette expérience. Dans les rues de New York, il y a des rayons de soleil d'une telle violence que les personnages semblent isolés comme sur une scène de théâtre, bien qu'ils évoluent au milieu d'une foule. Ça, c'est pour parler de la couleur. Et évidemment, ça a un effet et un impact sur tout le chromatisme des tableaux de Hopper. Pourquoi va-t-il à Paris ? Ah, il vient à Paris parce que Paris est sa terre, j'allais dire, et c'est là où il aurait voulu vivre, c'est là où il a connu, il le dit, je n'ai jamais autant été heureux qu'à Paris. Il y a une sorte de plénitude sensuelle qu'il éprouve à Paris, bien qu'il soit le dernier des puritains peut-être, mais néanmoins, il a été sensible à ça. J'aime la dimension charnelle de la ville, je travaille seul dans les rues, le long de la Seine, peignant dans le style de l'impressionnisme, peignant tout d'une touche déliée pendant près d'une année. Et voilà, et l'impressionnisme, c'est véritablement ce que la peinture a inventé dans toute son histoire pour rendre compte de ce bien-être dans une situation et une lumière donnée. Et c'est à ça qu'il accède à Paris. Et évidemment, il en garde une nostalgie terrible. Et les tableaux, au fond, ouais, ces tableaux américains, ces personnages isolés, ces personnages comme sous un projecteur de théâtre, sont peut-être, au fond, les réponses nostalgiques au bonheur et au bonheur sensuel, à la plénitude qu'il a connue à Paris. Oui, c'est ça. Il y a une autre manière de réfléchir à son œuvre que celle qui consiste à en faire ce résistant de la société américaine. Il y a aussi une dimension beaucoup plus personnelle, plus intime. Sûr, il y a même une ambition picturale. Il écrit, la peinture devrait s'emparer pleinement, moins indirectement de la vie et des phénomènes de la nature, si elle souhaite encore aspirer à la grandeur. Là, dans la grandeur de la peinture, c'est un geste et une ambition qui n'a rien de, ni de politique, ni de contestataire. Il connaît assez l'histoire de la peinture pour savoir que ce qu'il appelle grandeur et ce qu'on appelle grande œuvre sont des œuvres qui, à un moment donné, expriment exactement le sentiment d'une humanité donnée à ce moment-là. Donc ça ne me semble pas incompatible. Quant à l'autobiographie évidemment innerve son œuvre comme toute œuvre de tout artiste, c'est vrai qu'à certains moments, on en a des échos directs, en particulier quand ça commence à se gâter dans sa vie matrimoniale avec Joe. On le voit dans des tableaux qui sont des tableaux où cette fois il n'y a plus un personnage mais deux, et généralement qui s'ignorent souverainement. Il y a un certain nombre de couples. Mais c'est même parfois presque pénible à regarder, parce qu'on voit bien qu'il y a là une telle décomposition de la relation, de l'amitié, de l'affection ou de l'amour, qu'on a là deux automates face à face. Et effectivement, à ce moment-là, on le sait, c'est en relation avec une biographie personnelle qui lui fait éprouver à peu près ce type de sentiment. Et ce type de tableaux sont exactement à l'opposé des tableaux suspendus où il ne se passe rien. Vous le dites vous-même. Oui. On imagine très bien ce qui s'est passé avant, on sait très bien ce que nous sommes en train de voir. Oui, non mais évidemment, les tableaux, sinon il n'y aurait peut-être pas d'historien d'art si on n'avait pas cette propension naturelle à produire de la littérature, des récits à partir des images qui sont sous nos yeux. Mais en même temps, si je voudrais réagir à ça, c'est parce qu'on a trop tendance par là à encore une fois réduire la force d'une peinture qui va bien au-delà de cela. On a trop souvent opposé une peinture qui ne parlait que de la visibilité pure, etc., à une peinture qui était disqualifiée historiquement parce qu'elle était narrative. Donc, elle avait quelque chose qui n'était pas du côté de la pureté. Or là, chez Hopper, je pense qu'on peut réconcilier les deux notions. Il se passe quelque chose, sans qu'on arrive vraiment à nommer ce que c'est. Et peut-être est-ce parce que vous le disiez, il peint un sentiment, une émotion, une pensée, sans vraiment faire la distinction. Toujours dans son autobiographie, il écrit « Mon but en peinture a toujours été la transcription, la plus précise possible, des sentiments les plus intimes que m'inspire la nature. Je suis convaincu que les grands artistes pour qui la peinture est une chose mentale se sont efforcés de faire de la toile le réceptacle de leurs sentiments. Renoncer à l'ambition d'un tel objectif ne m'inspire qu'ennui. » Et cela, c'est une phrase encore très émersonienne. L'idée que le sentiment dont il parle, on pourrait le traduire en termes émersoniens en disant « c'est cette transcendance que la pensée laisse entrevoir ». C'est ça, au fond, qu'il cherche à exprimer. Vraiment un peintre, véritablement, on pourrait dire, transcendantaliste. Transcendantaliste, qui était le courant d'Emerson. Mais alors, il parle des sentiments que lui inspire la nature. Ça aussi, c'est très émersonien. Oui, mais il est beaucoup question de ville dans les paysages d'Edward Hopper. Il s'agit de personnes, de choses urbaines, on n'est pas du tout dans l'exaltation de la nature sauvage, ou même pas sauvage d'ailleurs. Oui, je ne suis pas certain, du point de vue strictement de la définition, je ne suis pas certain que la nature se réduise à... la nature humaine. Voilà, la nature, ça peut être la présence humaine dans un cosmos, dans ses relations avec des valeurs supérieures, etc. Pas forcément les petits oiseaux. Alors, si l'attente n'est pas dans les tableaux, selon vous, elle est peut-être du côté du spectateur qui, quand il regarde ces tableaux, cherche quelque chose et s'attend à ce que quelque chose se passe. Et je vous propose qu'on prenne un exemple, un texte qui était écrit à propos du tableau « New York Movie ». Peut-être l'avez-vous en tête ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous l'écrire ? Oui, c'est un tableau qui est très important pour l'interprétation de l'œuvre de Hopper. C'est le premier tableau que découvre André Breton au moment de l'exil américain du surréalisme. Il arrive à New York, il voit dans une exposition ce tableau-là et il en fait immédiatement une analyse, le comparant évidemment à un artiste qu'il connaît très très bien, André Breton, de Quirico, dont il possède à ce moment-là l'œuvre sans doute la plus emblématique, le cerveau de l'enfant, qui montre un personnage les yeux clos devant un livre, et André Breton le rapproche de cette femme qui est dans une attitude méditative, dans un cinéma. Elle est une ouvreuse de cinéma. Ça, c'est le tableau New York Movie. Voilà. Ouais. Elle n'est pas dans la salle de cinéma, elle est dans le couloir qui conduit à la salle, et elle tourne ostensiblement le dos au spectacle qui est dans la salle, et elle est abîmée véritablement dans ses pensées. Et cette intériorité-là, André Breton la rapproche de celle de Quirico, et c'est un parallèle qui va faire florès, puisqu'on verra dans les années 50 un nombre considérable d'exégètes de l'œuvre de Hopper qui vont le rapprocher de la peinture, comme par hasard, métaphysique de Quirico. Alors, très exactement, le tableau New York Movie, qui date de 1939, donne à voir cette ouvreuse sur la droite du tableau, ce qui est vraiment comme séparé en deux. Hein. Il y a la salle à gauche et puis l'ouvreuse dans une espèce de couloir qui donne sur les escaliers à droite. Celle-ci ne tourne pas le dos, elle baisse la tête, comme c'est un signe de désintérêt par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Et l'on voit dans la salle de cinéma un couple, un homme et une femme assez âgés qui regardent l'écran où il semble y avoir une espèce de rocher. Il n'y a même pas de film qui est projeté, ou alors un film de rocher, ce qui est très étrange. Et les sièges de la salle sont au premier plan, partent vers la gauche, et le regard est complètement attiré, grâce à la lumière, sur ce personnage de l'ouvreuse qui n'a rien d'une ouvreuse. C'est-à-dire que tout est fait aussi pour brouiller les pistes. Elle n'est pas là avec un uniforme d'ouvreuse, on dirait une femme assez bourgeoise, très bien coiffée, et qui est en pleine méditation, alors pour le coup peut-être métaphysique. Et une fois de plus, on voit Hopper s'en prendre à cette société américaine, qui est déjà avant l'heure une société du spectacle, évidemment, parce qu'elle met en place cette industrie culturelle qui va faire l'objet de tellement d'études, y compris de la part des immigrants européens dans les années 40. Et ce tableau-là reprend une série de tableaux liés au spectacle, au théâtre ou au cinéma chez Hopper, qui sont tous, regardez-les, ouais, des tableaux qui montrent l'intermission, c'est-à-dire l'entracte, une scène vide, une sorte, encore une fois, par le sujet même représenté, d'une attente, d'une suspension du temps et du spectacle, d'une suspension du flux des images, d'une suspension de cette frénésie dans laquelle la société américaine entraîne effectivement le monde entier après avoir entraîné les Américains. Alors voici ce que ce tableau New York Movie a inspiré à l'écrivain universitaire Leonard Michael, qui est né à New York en 1933, qui a enseigné lui-même la littérature, qui était critique littéraire, et il s'approprie ici, alors dans une œuvre de fiction, l'expérience que lui a procuré ce tableau de Hopper, une expérience qui peut-être symbolise cette attente que le spectateur met en place lorsqu'il regarde ce tableau, en tout cas, c'était son cas. Le tableau était excitant comme un beau visage, sombre et érotique, avec des touches de rouge fauve. Comme pour un beau visage, je ne me lassais jamais de le regarder, et j'aurais voulu être seule en sa compagnie. J'étais attirée par une présence derrière ce que je voyais. J'observais la femme de New York Movie, son uniforme bleu, ses élégantes chaussures à talons, et je me disais qu'elles étaient trop élégantes pour sa tenue d'ouvreuse. Elle trahissait un désir ardent. Vers minuit, après la dernière séance, elle enlèverait son uniforme, enfilerait une robe noire fuselée et n'aurait plus à se demander si elle portait les bonnes chaussures. Elle aurait rendez-vous avec un homme qui l'emmènerait dans une soirée. Bien sûr, elle n'irait nulle part. Elle ne pouvait pas quitter la salle de cinéma. Je veux juste dire que pour moi, un drame se jouait dans New York Movie. Un drame psychologiquement plus intense que le film projeté sur l'écran, le rectangle dans le coin gauche supérieur du tableau qui dessinait une sorte de fenêtre dans une pièce sombre. L'ouvreuse n'appartenait à aucun drame cinématographique, à aucune histoire mécanique. Son drame, à elle, opérait au niveau du mythe, le mythe d'Eurydice qui attend au bord de l'obscurité. Les touches de rouge dans les ombres sont peut-être des flammes, ou des rivières et des gouttes de sang. Eurydice se tient aux portes des enfers et attend Orphée. l'Eurydice de Hopper est adossée au mur, tenant son menton dans la main, tout en pensant à la fête où elle doit se rendre, dans un appartement d'une vieille maison de briques rouges de Greenwich Village, sur Hudson Street, à quelques pas du cinéma. Un appartement avec de petites pièces bondées, hautes de plafond, surchauffées par des radiateurs bruyants. En regardant New York Movie, je sentais naître en moi une agréable confusion, comme si j'étais au cinéma. Mais je ne retournais presque jamais voir un film, surtout pas 20 fois, à la différence d'un grand tableau. Pourtant, le tableau de Hopper m'attirait comme un film merveilleux que je n'aurais jamais vu. Sa dramaturgie résistait à mon entendement. For my love, the sickness, there's no physician, what could he tell me to use? No liquid or pills I'm sure ever did or will cure a woman alone with a loose. A Woman Alone with the Blues, c'est Anita O'Day qui le chante dans les années d'opère aux États-Unis. Et alors, peut-être que c'est le cas de cette ouvreuse au cinéma, hein, seule avec le blues, mais je me fais la réflexion en écoutant cette chanson d'Idi Ottinger, c'est que, pour le coup, les tableaux d'opère sont absolument silencieux. Il y a bien une chose qu'il n'y a pas, c'est de la musique ou une mélodie qui sort au contraire. Le temps est tellement compressé ou suspendu que l'on n'entend rien. On n'entend rien, oui. Et, oui, oui. Dans au cinéma, en tout cas, dans le texte que l'on vient d'entendre, il est fait référence à la postérité cinématographique d'Hopper que vous évoquiez à l'instant. Et pourtant, le narrateur dit bien, je veux juste dire que pour moi, un drame se jouait dans New York Movie, un drame psychologiquement plus intense que le film projeté sur l'écran. C'est très juste. Et ce que vous disiez, c'est que le cinéma ne pourra jamais ressaisir l'intensité qu'il y a dans ces films. Et c'est le paradoxe absolu, peut-être, à propos de la peinture de Hopper. C'est sans doute la plus silencieuse, mais c'est celle qui a produit le plus de récits, le plus de narrations, qui a débridé les imaginaires. D'où la relation qui a été beaucoup alléguée entre Hopper et le cinéma. Et on a fait beaucoup de Hopper quelqu'un qui se serait beaucoup inspiré du cinéma qui lui était contemporain. Mmh. Et c'est vrai, on le sait là aussi, par ses journaux, c'est quelqu'un qui voyait parfois 3 films par jour. À New York, il vivait à New York, il allait au cinéma, etc. Donc on a produit une sorte de transfert de cette curiosité de Hopper pour le cinéma en disant, au fond, c'est la même chose. Et ça a été conforté, cette hypothèse, par le fait que les cinéastes se sont gavés de peintures de Hopper. Et c'est vrai qu'au moment de l'exposition, encore une fois, certains spécialistes du cinéma faisaient la liste du nombre, et le premier d'entre eux, évidemment, Hitchcock, qui emprunte à Hopper l'image qui est celle de House by the Railroad, qui sert de cadre à Psycho. Or, voilà exactement de quoi on parle. Une image muette, figée, silencieuse, en diable, qui inspire un délire imaginatif de la part de quelqu'un comme Hitchcock. Moi, je crois plutôt que ce sont les cinéastes qui ont pris à Hopper plutôt que Hopper a pu prendre au cinéma, en gros. Lorsque le débat a tourné autour de ces questions de relations, je pense que effectivement Hopper ne doit pas grand-chose au cinéma, dans l'absolu. Par contre, on l'a vu encore tout à l'heure avec l'extrait qui vient d'être lu, les tableaux de Hopper ont le don de faire jaillir des flots d'interprétations et de récits. Et l'autre paradoxe, on disait qu'il n'y avait pas de musique, et pourtant, voilà, pour l'ambiance de l'époque, on a envie d'entendre de la musique, il n'y a pas non plus de mouvement, et c'est peut-être le paradoxe entre Hopper et le cinéma, c'est que son œuvre ne peut pas être adaptée telle qu'elle au cinéma, parce que c'est toujours de l'immobilité. Oui, et là encore une fois, elle est manifeste, cette immobilité, elle confine presque à la maladie. Regardez ces personnages qui sont dans des chaises longues, à la fin, en train d'adorer le dieu solaire. Ils font penser, et les faits corroborent cette relation, à un roman que lit Hopper en 1940, qui est La montagne magique de Thomas Mann. Et si Hopper en parle avec tellement de passion, c'est qu'au fond, je suis sûr qu'il a l'intuition que la même chose se joue dans le roman de Mann que peut se jouer dans sa peinture depuis les années 20. C'est-à-dire l'idée de la résistance par, encore une fois, non seulement la passivité dans le cas de Hopper, mais même la maladie dans le cas de Thomas Mann, parce que ce roman est quand même fantastique en ceci, c'est qu'il est écrit à un moment où, en Allemagne, on célèbre, et on sait où ça va nous mener, la force, la jeunesse, l'énergie, le réveil, et lui nous montre dans son roman des personnages qui sont valorisés à l'aune de leur faiblesse. Ceux qui arrivent dans le sanatorium sont les petits nouveaux qui respectent les grands malades, qui leur enseignent beaucoup de choses. Il y a une sorte de valeur totalement inversée face à cette espèce de nietzschéisme frénétique dont se réclameront les nazis, à tort évidemment. Et Hopper est un peu de ce côté-là aussi. Résistance, immobilité, voire maladie, pour, encore une fois, faire pièce à cette énergétique américaine qui le fatigue profondément. Mais dans La Montagne Magique, on ne sort jamais de ce sanatorium. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'inertie qui empêche toute velléité de transformation. Or, le geste de Hopper, s'il est résistant vis-à-vis de ce qui se passe aux États-Unis, s'il revendique la même passivité, alors rien ne changera. Oui, mais ce qu'on voit chez Thomas Mann, c'est qu'il y a véritablement une hiérarchie à l'intérieur du sanatorium. Et les plus malades sont les plus forts, les plus sages, ceux dont on suit l'exemple. Ils apprennent aux autres. Les lieux qui l'intéressent en particulier, c'est les espaces de transit, ces zones de passage, les espaces de frontières, les seuils. Ce sont ces interstices de l'existence. C'est-à-dire que là, il y a un sens peut-être aussi métaphorique, mais aussi très visuel. Ce sont les lieux qui ne sont pas sous les projecteurs, qui sont à l'opposé. Si on regarde de l'autre côté, Andy Warhol, par exemple, qui lui aussi conteste la culture américaine, mais à l'inverse. Quand Warhol est dans l'exagération, Hopper est au contraire dans les recoins, dans l'espèce d'euphémisme. Oui, là aussi, certains exégètes de Hopper ont analysé cette dimension-là en considérant effectivement cette esthétique des seuils, mais cette esthétique aussi des lobbies d'hôtels, des chambres d'hôtels, c'est-à-dire de lieux qui sont des lieux de passage, de transit. Peut-être là aussi, dans une iconographie apparemment anodine, une réflexion très profonde de Hopper sur l'inenracinement auquel conduit la civilisation américaine. Civilisation où on change de maison, on est en mobilité permanente, etc. Alors, il n'en fait pas l'objet d'une nostalgie réactionnaire, mais il le constate. Et c'est peut-être aussi ça, une des grandeurs métaphysiques de la peinture de Hopper, c'est de montrer une condition humaine qui est une condition de l'errance, au fond, qui est une condition, encore une fois, au regard de ce que la grande tradition européenne peut signifier pour Hopper, une civilisation nomade, au fond. Le dernier tableau d'Hopper, on terminera avec celui-ci en 65, Two Comedians, on voit deux comédiens sur scène qui saluent, qui prennent congé de leurs spectateurs. Et si on regarde bien les traits du visage de ces deux personnages, on reconnaît à la fois Edward Hopper et Joe. C'est une mise en scène de lui-même qui salue son spectateur. Il montre bien avec ce dernier tableau qu'au fond, la scène et l'espace quadrangulaire du tableau sont confondus dans son esprit. Il y a toujours eu une sorte de petit théâtre, au fond, qu'a mis en scène Hopper. Mais aussi, il y a la réminiscence d'un tableau qui est un tableau fondamental pour lui, qu'il allait voir encore une fois quotidiennement quand il vivait à Paris, il vivait tout près d'ailleurs, du Louvre, c'est le Gilles de Watteau. Et il se donne lui-même... Que voit-on sur le Gilles de Watteau ? On voit ce personnage hagard. C'est-à-dire ce personnage qui, étymologiquement, renvoie à l'indomptabilité. Un personnage qui est, encore une fois, quelqu'un qui semble exposé à nu, bien qu'il soit habillé, à ses spectateurs. Il est comme poussé à l'avant-scène. Il ne sait pas très bien ce qu'il fait là. Je crois que ce personnage a fasciné, évidemment, Hopper. Il en a retrouvé l'écho lorsqu'il a vu le film de Carnet, Les Enfants du Paradis. Et finalement, c'est cette figure d'un clown un peu triste, mais en même temps d'un clown hagard qu'il représente à la fin de sa vie et auquel il s'identifie. Et que lui-même se mette en scène comme un comédien est très fort. C'est comme s'il avait fait un spectacle toute sa vie. Et il y a aussi quelque chose dans ce tableau qui est très intéressant, c'est qu'il se présente avec son épouse, avec laquelle, évidemment, il a une relation qui est extrêmement problématique parce qu'elle-même est peintre. Ils se rencontrent dans l'école d'art de Robert Henry. Elle est longtemps très envieuse du succès qui est celui de Hopper. Elle lui fait payer assez cher. Leur relation est extrêmement houleuse. Et néanmoins, elle reste à ses côtés. Elle le soutient. Et il lui rend hommage par ce dernier tableau en la faisant venir à ses côtés, sur la scène, comme un signe reconnaissance d'une œuvre qui serait une œuvre qui se serait élaborée, non pas par Hopper tout seul, mais par le couple qu'il formait avec Joe. Ce qui est assez touchant. Oui, c'est sans doute l'un des seuls signes de véritable tendresse entre deux personnages qu'on voit dans toute l'œuvre de Hopper. Sans doute, oui. Le moment où sa propre vie privée est mise en scène en réalité. C'est le moment où il exprime la tendresse, une forme de sincérité des sentiments qui n'est pas négative. Encore une fois, on fait de l'interprétation. On n'est pas certain que les deux personnages soient Hopper et Joe, mais probablement. Comment parler de la peinture sans faire de l'interprétation ? On pourrait juste décrire les tableaux ? Certains l'ont fait, oui. Bon, on pourra réessayer. Merci en tout cas Didier Antergé d'être venu nous en parler aujourd'hui. Ombre et lumière du mythe américain sur Hopper. C'est un ouvrage de vous qu'on trouve aux éditions Gallimard. A cigarette that bears lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that make my heart a dancer. A telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet, to find you still. These things are dear to me. They seem to bring you near. The scent of smoldering leaves, the wail of steamers, two lovers on the street who walk like dreamers. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Lundi matin, vous commencez la semaine en parlant de ruines. De quoi les ruines sont-elles le signe d'une splendeur totalement déchue, d'un passé révolu mais qui persiste, ou au contraire d'un temps présent qui s'efface pour laisser place à l'avenir ? C'est la question posée par un essai aux éditions des Prairies Ordinaires, signé Diane Scott, et intitulé tout simplement « Ruines, invention d'un objet critique ». Dans ce livre, on croise des villes abandonnées, des usines désaffectées, des murs en lambeaux et des zones fantômes. Зона – это очень сложная система ловушек, что ли. Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. En 1789, Volney contemplait les ruines comme autant de méditations sur les révolutions des empires. En 1927, Heidegger d'en être est envoyé dans les ruines le travail même de l'histoire. Et entre les deux, en 1802, Chateaubriand, dans son génie du christianisme, distinguait deux types de ruines, l'une ouvrage du temps, l'autre ouvrage des hommes. Et d'ajouter, je cite, « Les premières n'ont rien de désagréable parce que la nature travaille auprès des ans. Font-ils des décombres ? Elles y sèment des fleurs. Mais les secondes ruines sont plutôt des dévastations que des ruines. Elles n'offrent que l'image du néant sans une puissance réparatrice. » Ressortez ainsi une définition de la ruine à la fois comme trace d'un temps passé qui persiste dans le temps, s'entremêle au présent, et comme témoin d'un temps glorieux mais désormais révolu. Dans cette double définition, les ruines restaient quoi qu'il en soit un signe du passé et du temps qui passe. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui, nous dit Diane Scott dans son essai. Les ruines sont au contraire une passion bien actuelle, elles nous fascinent, on les chérit, mais comme signe de quoi alors, si ce n'est celui d'un passé qui s'effrite ou qu'il s'agit de réparer? En quoi les ruines peuvent-elles paradoxalement animer notre présent et tendre vers l'avenir? Les époques tombent amoureuses, la nôtre aime les ruines. Ruines de l'Europe de l'Est après la chute du mur, ruines de l'industrie du XXe siècle, ruines des cinémas catastrophes et post-apocalyptiques. Un appétit de ruines traverse l'image dont le corpus ne cesse de s'étendre. Les usines abandonnées, les villes effondrées et les bâtisses décrépites se tuilent et se conjuguent. Qu'il s'agisse d'architecture, de politique ou d'art, il y a une multiplication des ruines, nous dit Diane Scott dans son livre, une profusion de ruines, une fécondité des ruines. C'est comme si les ruines étaient désormais nouvelles, comme si elles étaient désormais constructives, créatrices. C'est une idée bizarre, mais prenez par exemple cette mode de la collapsologie et des fins du monde. Eh bien, que révèle-t-elle? Est-ce qu'elle révèle le fait que nous ne cessons pas de vivre la fin du monde en but à un véritable renouveau? Est-ce qu'elle révèle une sorte de pulsion de mort destructrice inhérente à chacun? Ou alors, est-ce qu'elle révèle une nouvelle approche de la mort et de la finitude, une manière de se l'approprier? Le monde repose sur un mur de séparation entre deux classes d'êtres. Si nous disons à l'une d'elles que ce mur n'existe pas, nous récoltons la guerre. Tu es flic. J'ai occupé ton poste dans le temps. Et j'étais doué. Je sais. Qu'est-ce que tu veux ? Toute la dernière partie du livre de Diane Scott est consacrée à ce thème du reboot. Ni remake, ni reprise, ni spin-off, ni préquel. Le reboot, c'est par exemple Blade Runner 2049. Soit la même histoire que Blade Runner, mais qui se donne comme si c'était la première histoire. Un reboot, c'est un annule et remplace. On connaît déjà l'histoire, mais elle va être écrite d'une nouvelle manière. Les ruines sont désormais cela, des zones, des bâtiments, des pans de culture, qui font signe vers une histoire que l'on connaît, mais que l'on va annuler et remplacer. Drôle de perspective, de réinvention, mais aussi de culture qui tourne sur elle-même, saturée. Merci beaucoup Géraldine, rappelez-nous le titre du livre. Eh bien tout simplement Ruine, invention d'un objet critique, c'est donc de Diane Scott et c'est aux éditions des Prairies Ordinaires. Merci beaucoup, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Marie Simon, Sharon Houry, Anaïs Isbert, Nicolas Berger à la réalisation, Alexandre Dang à la prise de son. On se retrouve demain vendredi pour un Profession Philosophe. On vous proposera de redécouvrir l'émission enregistrée avec Delphine Horviller en janvier 2019. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez réécouter chaque émission en ligne ou bien la podcaster, la télécharger. Comme ça, vous pourrez l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux. L'équipe des Chemins de la Philosophie tient un compte Facebook, Twitter et Instagram où nous serons ravis de discuter avec vous. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.